quand je vois l'actualité sur mon poste télévisé. Les bas sur l'identité, l'immigration sélectionnée. Ils s'embrouillent à l'Assemblée sur les critères à rassembler pour être un bon Français, en oubliant que leur contrée a un passé dépouillé, un présent méprisant. D'ailleurs, le gouvernement continue ses expulsions vers d'anciennes colonies à grands coups de canon. Oh, nous sages moutons, connaissons cette abjection, mais n'y prêtons plus attention. Ils osent même nous solliciter pour aller jusqu'à balancer sa porte, ses fruits. Je suis blasé, et ça fait descendre au pays des droits de l'homme la devise en parenthèse quand ils chantent fort la Marseillaise. Ça fait descendre au pays des droits de l'homme la devise en parenthèse, et ça me met mal à l'aise. La gauche a pu baptiser, bien plus que son opposé, ça continue sans s'inquiéter des pliés de leur flambée. Mais on accepte et on paie tant que ça, on graisse les rentiers. La majorité continue à dérouiller pour boucler ses mensualités. Les crédits se superposent, on ferme les yeux et on n'ose plus arrêter de consommer. À croire que c'est dans nos gènes d'être le mieux équipé, de paraître le plus friqué, quitte à bouffer du surgelé. Arborez-vous vos côtés, entrez dans la communauté des bien froqués et des bonnets. Mais ça fait désordre au pays des droits de l'homme, la devise en parenthèse quand ils chantent fort la Marseillaise. Ça fait désordre au pays des droits de l'homme, la devise en parenthèse, et ça me met mal à l'aise. Par millions avec sûreté pour une droite décomplexée qui a gagné la confiance d'esprits hébétés, bien satisfait du culte de l'aspect. On impressionne les électeurs, on guide la main vers le bulletin. Les médias tiennent les ficelles et c'est nos cerveaux qu'on ensorcelle. Résultat dans les campagnes, on a peur des voitures qui crament. On a le cervelet totalement aliéné, aliéné par la télé et ses jeux télévisés, dénués de sens et de pensée. Alors on se branche au JT truffé de subjectivité, on s'empiffe d'informations contrôlées. Détruite à vitesse grand V, les dirigeants s'en mêlent pêle-mêle autour d'une table. Ils font du zèle à des années-lumière de la nature des vrais problèmes. Et dans l'hexagone, c'est la taxe carbone qu'on prône, la carotte devant le nez. Y'a que ça pour nous faire marcher, pas de chance, toi qui es smicard et qui bosse à l'écart. Dans une bourgade, tu vas sentir passer cette charge. Ouais, on presse les petites gens tant qu'il reste encore du jus et qu'il y a du sou en surplus. Serre les taux de plus en plus fort, on continue à se réjouir du travail, de la famille, de la patrie. Mais ça fait désordre au pays des droits de l'homme, la devise en parenthèse quand ils chantent fort la Marseillaise. Ça fait désordre au pays des droits de l'homme, la devise en parenthèse, et ça nous met mal à l'aise.